Vous écoutez l'émission de Patrick Tréau, Comment créer le paradis sur Terre. Patrick Tréau, c'est maintenant sur Radio Impact. Bien, ici Patrick Tréau pour l'émission « Comment créer le paradis sur Terre » sur Radio Impact, comme à tous les dimanches midi. Bienvenue. Donc aujourd'hui, on va continuer avec notre plan pour la création du paradis sur Terre. On va aller plus dans le spécifique, donc plus dans le plan stratégique. Donc on va voir un peu plus concrètement de quoi ça pourrait avoir l'air. Et je reviendrai sur d'abord sur évidemment l'utilisation de l'expression paradis sur terre qui peut laisser surprendre pour plusieurs raisons. Et c'est important de comprendre que l'idée l'expression pourrait être remplacée par d'autres choses, mais la raison pour laquelle on a choisi paradis sur terre, donc c'est pour être clair que c'est un objectif, donc c'est important que ce soit spécifique comme les objectifs se doivent d'être, et pour aussi se dissocier des autres sous-objectifs, les autres causes ou les sous-objectifs de collectivité. Par exemple, évidemment, le plus important, c'est de l'environnement, donc qui est extrêmement important, mais ce n'est qu'un seul aspect de la réalité, ce n'est juste une dimension. Donc nous, on considère toutes les dimensions en même temps, et évidemment tout le monde, donc c'est pas seulement une sous-collectivité comme par exemple le Québec. Et c'est entendu que tous ces sous-objectifs-là sont importants, Mais nous, donc, on aimait. Par contre, il nécessite des approches et des plans différents. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de considérer l'ensemble de l'humanité et tout le plan global. Donc, avoir un objectif qui concerne toute l'humanité. Et c'est ce qu'on veut faire ici à l'émission. Et pour l'instant, on utilise l'expression paradis sur Terre, donc qui est une visée, si vous voulez, la cible, qui fait la synthèse de la nouvelle civilisation qu'on veut créer. Et donc, on a défini évidemment plus de façon générale, mais il y a deux aspects à cette définition de cette nouvelle civilisation-là. Il y a l'aspect positif et l'aspect négatif. L'aspect positif, c'est bien, c'est ce que tout le monde veut. Non, c'est-à-dire un monde où tous peuvent s'exprimer et vivre en paix et vivre leur vie. Donc ça, peu importe les cultures ou les croyances, on est en grande partie tous d'accord là-dessus. Et l'aspect négatif, c'est évidemment toutes les choses inacceptables qu'on ne veut plus voir. Donc on ne va pas dans les détails, mais c'est entendu que c'est évident la fin dans le monde, les meurtres, les guerres, etc. Donc c'est cette nouvelle civilisation-là, ces choses-là ne sont plus là. Donc en visant une nouvelle civilisation où les choses ne sont pas, du coup on règle beaucoup de problèmes. Et pour y arriver, ça prend, faut vouloir l'atteindre, faut l'avoir comme objectif, parce que ça va demander une réflexion, une approche différente. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va approfondir le plan. Donc on a vu les grandes lignes, les trois étapes générales, l'autorité individuelle, l'autorité collective et ensuite la création collective. Et à la base, donc on a une plateforme unique et où tous vont se retrouver. Ça c'est on peut imaginer la base, la plateforme, donc le début. Donc tout le monde, on se retrouve sur une même plateforme, donc c'est par l'unité. Et une plateforme sur laquelle on est tous d'accord, donc relativement simple et des valeurs communes de base. Et à l'autre extrémité, la finalité, l'objectif, la vision, ce qu'on veut créer, la nouvelle civilisation, la civilisation de l'amour, donc sur laquelle on s'entend tous aussi. Et le travail, évidemment, ça consiste à relier les deux. C'est là qu'est le défi, c'est à ce à quoi on travaille en ce moment, donc. Et la civilisation de l'amour, l'objectif, c'est en deux mots, comment on pourrait la définir aussi, c'est que c'est tout pour tous. Donc c'est vraiment que tout le monde, il faut se préoccuper du bien-être de tout le monde, pas seulement quelques-uns, et si on s'occupe, donc c'est la visée, la finalité de notre projet. Évidemment, ce ne sera pas la fin de. C'est pas une finalité comme telle, ça va toujours continuer. C'est pas non plus une utopie, ni un monde parfait, ni idéal. Mais c'est une nouvelle civilisation qui est suffisamment différente de celle que nous avons aujourd'hui pour la qualifier, on pourrait dire, de paradisiaque. Mais évidemment, ce n'est pas comme tel le paradis, loin de là. Il va y avoir certainement toujours, comme toujours, des problèmes et des défis à relever. Par contre, ceux qu'on considère inacceptables et qui sont relativement faciles à résoudre, mais qui persistent quand tout de même, ne seront plus là. Donc, pour aller dans le plan plus stratégique, comment créer l'unité et l'utiliser? Il va y avoir en fait un plan, donc deux étapes, créer l'unité et utiliser cette unité-là pour créer le monde qu'on veut. Comme on a dit, l'unité, c'est extrêmement important. Sans l'unité, on ne peut pas vraiment décider collectivement. C'est pas nous qui décidons. Je pourrais éventuellement revenir là-dessus, mais c'est évidemment la dynamique fondamentale étant le rapport de force. Nous, on ne peut pas le gagner, ce rapport de force-là, donc c'est pas nous qui décidons. Et tous les gros pouvoirs sont appropriés par d'autres intérêts, d'autres forces. Donc, ce n'est pas nous, les citoyens, qui décidons. Donc, pour se réapproprier ça, il faut être capable de décider. Ça passe nécessairement par l'unité. Ensuite, une fois qu'on va avoir créé ça, il faut l'utiliser, cette nouvelle force-là, nouvelle capacité, savoir-faire, pour se réapproprier les outils de pouvoir. Stratégiquement, la première chose va consister donc à développer un modèle d'autorité collective au niveau local et l'expandre le diffuser aux autres niveaux ensuite. Donc, au niveau local, comment développer ce modèle-là? Bien là, ça se passe au niveau local parce que c'est là que sont les individus. Et comme on a dit, évidemment, les individus, c'est eux qui ont l'autorité. Donc, c'est nous qui décidons. Et c'est nous, au niveau local, qui devons développer ce modèle-là d'unité. Donc, on va faire ce que moi j'appelle la multiplication des expérimentations. Donc, il va y avoir plusieurs collectivités locales qui vont travailler à ce projet-là, à développer un modèle d'unité pour pouvoir éventuellement décider collectivement. Et tous ces groupes-là vont évidemment être en réseau pour échanger et voir comment les choses avancent. Donc, on multiplie les expérimentations. Moi, je vais proposer éventuellement créer certains projets, certaines idées, mais d'autres, autre part, dans d'autres localités ou municipalités, que ce soit partout en Amérique du Nord ou ailleurs, vont peut-être avoir d'autres idées différentes. Et en se mettant en réseau, on va voir c'est quoi qui marche. Donc, c'est ça qui va être déterminant. Ce sont les résultats. Et on va voir ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, jusqu'à éventuellement développer un modèle qui pourrait être transposé à d'autres collectivités partout dans le monde. Donc, autrement dit, cela est extrêmement important, il faut que ça soit transférable. Donc, c'est pour ça qu'il faut une vraie méthodologie, une vraie science, si on veut, d'unité, qui a réussi à traverser les obstacles et non les avoir contournés. Donc, parce qu'on a, par exemple, l'exemple en Islande, où ils ont réussi des choses grâce à l'unité. Et donc, entre autres, la constituante, ils ont changé la constitution, ils ont mis des banquiers dehors. Mais le problème, c'est que c'est une unité qu'on pourrait appeler contextuelle. Et donc, c'est pas transférable. Donc, c'est premièrement, l'Islande, c'est un pays, ils sont très peu. Je crois que c'est 300 000 personnes. Ensuite, ils ont des valeurs relativement homogènes, parce qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'immigration. Donc, ça a été relativement facile de s'unir, du moins temporairement, et pour réussir. Là, on a pu voir ce qu'ils ont réussi à faire grâce à ça. Par contre, c'est pas une unité qu'ils ont créée. C'est contextuel. C'est comme ça que je l'appelle pour l'instant. Ce qui fait qu'on peut pas l'appliquer ailleurs parce qu'on a des défis autres à relever. Et donc, on peut pas prendre leur méthode puisqu'il n'y en a pas. Donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est important de développer une méthode pour que ça soit transférable partout, peu importe les conditions, la situation. Donc, le projet que je propose pour créer cette unité-là, que je, éventuellement, très prochainement, j'aimerais mettre en branle. Il y a deux projets que je vais mettre en branle, celui-là et un autre qui est une monnaie locale. Donc, le projet, je vais l'appeler un outil collectif de décision. J'en ai déjà parlé, mais je vais en parler un peu ici, un peu plus en détail, mais j'irai peut-être en une petite pause musicale pour détendre l'atmosphère avant, et je reviens avec l'outil collectif de décision. Just exposed. De retour à comment créer le paradis sur Terre. Donc, comme on a dit, ça va prendre plus stratégiquement de développer un modèle d'autorité collective au niveau local et éventuellement ce modèle-là, lorsqu'il va être expérimenté, affiné au niveau de plusieurs localités qui vont toutes être en réseau, qui vont réussir à développer quelque chose qui fonctionne, on va pouvoir le transposer à d'autres niveaux. Ce que j'entends par là, c'est que si les différents individus une collectivité, disons une municipalité, réussissent, là, quand je parle beaucoup de citoyens qui pensent différemment, qui ont différentes valeurs, croyances, etc., réussissent à s'unir avec une méthodologie qui fonctionne, efficace, cette méthodologie-là qui va être transposée à d'autres collectivités, d'autres municipalités, évidemment, éventuellement, ce qu'on va avoir réussi à faire entre les individus, on va pouvoir le faire entre les différentes collectivités. Donc, disons, ça peut être en différents quartiers, d'une grande ville ou différentes petites municipalités d'une région. Et éventuellement, on va faire ça au niveau entre les régions et pour en arriver effectivement au niveau de toute l'humanité. Donc, ça va être une structure de pouvoir, mais dont la base va être la tête, si on veut. Donc, ça va être les citoyens. Et ça passe par l'unité. Donc, il faut que les citoyens comprennent l'importance de l'unité. Ils réussissent à la créer, donc et non pas en mettant de côté ce qui nous divise, donc c'est pas en laissant les choses qui nous différencient, avec lesquelles on n'est pas d'accord chez nous, qu'on va réussir à créer l'unité. Ça, c'est pas l'unité, c'est, on l'a déjà mentionné, c'est une voie de contournement, donc c'est des pièges qu'il faut éviter, parce que c'est l'homogénéité, donc, le problème avec ça, c'est que ça ne règle pas la question de l'unité, ça ne la crée pas vraiment, ça ne nous permet pas donc d'atteindre le but de ce projet-là, qui est le pouvoir. Parce que, évidemment, comme on l'a mentionné, il y a le rapport de force qui doit être transcendé par l'unité, et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et pour cela, il faut absolument que ce soit une vraie unité, pas une unité de surface ou une homogénéité. Donc, on a mentionné, identifié quelques-uns des voies de contournement qu'on peut appeler. Donc, évidemment, tous ensemble pour. Donc, on se met ensemble parce qu'on croit à la même cause, on partage les mêmes idées. Donc, évidemment, ça, c'est très bien. Sauf que c'est une forme d'unité, une cohésion plus élevée, si on veut, mais c'est pas la vraie unité. Et aussi, tous ensemble contre, évidemment, quand on a un ennemi commun. On l'a vu souvent dans l'histoire, lorsque on se met tous ensemble contre quelque chose, ça donne une force incroyable. Le problème, c'est que lorsque l'ennemi est éliminé ou est enlevé, la menace est enlevée, mais à ce moment-là, on revient à la case de départ, donc c'est pas vraiment une unité durable. Ensuite, évidemment, tous ensemble pour ou derrière un leader, et là, il suffit d'éliminer le leader ou lorsqu'il meurt, ça détruit toute l'unité. Donc, c'est les principales que j'avais soulignées. Et on se retrouve avec ce projet-là que moi je veux proposer et mettre en branle, que j'appelle un outil collectif de décision. Donc c'est un outil collectif qu'on va créer, qui va nous permettre de créer l'unité. Et on va faire ça évidemment créer l'unité. Le but, c'est d'être capable de prendre une décision collectivement, donc d'exercer l'autorité. Cependant, dans ce projet-là, il y a comme ce qu'on peut appeler un catch-22. dans le sens que ceux qui vont s'y joindre, du moins au début, ça va être ceux qui vont être intéressés à la cause, donc ils vont vouloir créer l'unité, et donc ils se seront unis à cause de pour la cause, et ce n'est pas ce que nous voulons faire, donc comme je viens de le dire. Mais la différence, c'est que par l'intention, la philosophie et l'approche, on veut créer l'unité. Donc c'est ça le but. Et à ce moment-là, lorsque d'autres voudront se joindre à nous, ils vont être accueillis les bras ouverts, et même s'ils ont des divergences de vues, car c'est ça le but. Donc le but, c'est que tous les citoyens de la collectivité se joignent à ce groupe-là. Et évidemment, ça va créer des obstacles, il va y avoir des défis à relever, et c'est ça l'idée, c'est de réussir à développer une méthode qui va nous permettre de gérer ça. Donc, il y a de fortes chances qu'ils veulent se joindre à nous, car le groupe est une expérience, justement, pour développer un modèle d'unité, mais le but de l'unité, comme on l'a dit, c'est le pouvoir, donc c'est l'autorité, donc c'est de décider, et c'est ce qu'on va faire. Donc, il est fort à parier que si ça fonctionne. Donc, si on réussit à faire prendre les décisions, il y a d'autres citoyens, peut-être, qui ne seront pas d'accord avec les décisions que notre groupe va réussir à faire prendre et voudront avoir leur mot à dire. Et ce qu'ils pourront faire, puisque nous leur ouvrirons les portes. Donc, c'est ça l'idée. Et plus il va y avoir de citoyens qui vont se joindre, plus il va y avoir de diversité, plus ça sera un défi. Et si nous réussissons à le relever, nous aurons développé une méthodologie qui pourrait être utilisée ailleurs. Donc, dans le fond, on sait qu'on ne craint pas les problèmes, parce que c'est ça qu'on veut. Plus il y en a, plus on va être fort, plus si ça fonctionne malgré ces problèmes-là, ça veut dire que c'est on va développer quelque chose d'intéressant. Donc je vais donner en gros les points, la structure générale, les parties, les éléments de cet outil de décision-là. Donc il y en a trois gros: le préambule, la porte et l'outil comme tel. Donc le préambule, c'est l'espace, donc avant l'outil. Donc c'est là que se retrouvent toutes les informations, donc sur le sujet en particulier, parce que c'est entendu qu'il s'agit dans ce cas-ci de prendre une décision. Donc c'est les informations de tous les points de vue sur le dossier, si on peut dire. Donc il peut y avoir des articles, des références, etc. Et c'est aussi un espace de débat. Donc, c'est là que les gens qui sont pour ou contre peuvent échanger, débattre, il peut y avoir des forums, etc. Donc, ça se trouve dans le préambule. Et c'est aussi là qu'on présente la problématique. Donc, c'est très important d'en arriver à ce que la problématique soit présentée et formulée de façon à ce qu'il y ait une décision. Donc, une décision oui ou non. Donc, je peux donner un exemple là, ici, par exemple... le cas des compteurs électromagnétiques. Donc, dans une municipalité comme à Sherbrooke, il y a eu un moment où il y avait une décision à prendre. Il y avait des citoyens qui sont regroupés parce qu'ils étaient contre. Donc, la problématique, c'est ça. C'est la question des compteurs électromagnétiques. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est nuisible pour la santé? Donc, il y a différents points de vue. Il y a des chercheurs. Il y en a qui sont pour, contre, etc. Donc, ça, c'est l'information. Il peut y avoir un débat. Et on présente la problématique. Donc, on croit qu'il peut y avoir des effets nocifs sur la santé. Donc, on propose, nous, ce que les citoyens qui étaient contre, donc ils ne voulaient pas qu'on installe ces compteurs-là. Donc, on pourrait, là, il s'agirait de formuler une question qui serait: est-ce que vous, pour que ceux qui disent oui, ce soit ceux qui sont contre la présentation, donc est-ce que vous voulez qu'on s'abstienne d'installer ces compteurs électromagnétiques là à Sherbrooke? Donc si vous dites, donc ça c'est la porte. Donc la porte, en fait, c'est la question. Et comment on décide? C'est en signant avec son courriel. Donc ça aussi, ça fait office de pétition par le fait même, parce qu'on peut voir combien il y en a qui sont contre ou qui disent oui à la question. Donc ceux qui disent oui, c'est-à-dire qu'ils veulent pas qu'il y ait, par exemple, dans ce cas-ci, de compteurs électromagnétiques, à ce moment-là, ils entrent dans l'outil. Donc, c'est par un... ils décident, c'est ça le but. Ils entrent dans l'outil en disant oui. Ce qui fait que à ce moment-là, l'outil devient un espace de non-débat. Non-débat parce que tous ceux qui se retrouvent là, donc, ont dit oui, donc, ils ont déjà pris la décision. À ce moment-là, ça fait une force, un groupe de personnes qui ont dit, ont répondu oui à cette question-là, donc ils ont pris une décision. Donc, on collecte les courriels. Et donc, à l'intérieur de l'outil, il y a une autre section qui s'appelle la centrale. Donc, la centrale, ça, c'est ceux qui sont qui s'impliquent beaucoup plus dans le projet. Donc, ils sont au fait, sont informés, font des recherches. Donc, et ces gens-là, c'est eux qui vont être responsables, donc, de gérer l'outil. Et il y a trois tâches principales qu'ils auront à faire. Premièrement, le suivi du dossier et les réactions par rapport à qu'est-ce qui pourrait se passer, par exemple, dans les médias sur le sujet comme tel. Et aussi la missive, donc qui est très important. Donc la missive, c'est le courriel qui va être envoyé à tous les membres qui sont dans l'outil. Et donc, pour que ce soit efficace, c'est important, et qu'on ait beaucoup de gens, c'est important que ce soit, ça prenne vraiment pas beaucoup de temps, parce que, évidemment, ceux qui sont impliqués dans la centrale, c'est ceux qui ont vraiment du temps à donner, mais c'est important que on respecte le fait que les gens ne peuvent pas s'impliquer dans tous les projets. Et ils pourraient être tout à fait d'accord avec cette décision-là, mais ils ne veulent pas que ça vienne prendre de leur temps et de leur énergie parce qu'ils sont investis ailleurs. Donc, si on veut avoir beaucoup de monde, c'est important de respecter ça. Et donc, c'est pour ça que la missive devra demander très peu de temps, donc maximum 20 secondes. Donc, c'est un courriel très simple qui contient trois informations très, très importante, mais très courte et simple. La première, c'est le focus collectif. Donc, c'est une phrase ou deux que tout le monde va recevoir. Donc, c'est très important. Ça, c'est ce qui va donner la force à l'outil. C'est que tous les membres vont recevoir un courriel ou un texto. Ça peut être les deux, un ou l'autre, ou les deux, avec la même information. Donc, c'est comme des yeux, c'est comme la focus, la force de l'attention et de l'information simple. Donc, c'est important que ce soit simple. Et ce sont les membres donc de la centrale qui vont confectionner cette courte phrase qui pourra varier selon la situation. Je peux donner un exemple des compteurs électromagnétiques. Disons qu'il y a dans les médias conventionnels ou généraux, il y a Hydro-Québec un scientifique émet... écrit un article donc pour les compteurs électromagnétiques. Donc eux, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, c'est réagir à cet article-là. Donc écrire une réponse, donc et la mettre dans la missive en disant par contre, par exemple, non, ça c'est pas vrai parce que nanana telle affaire. Évidemment, pour que ça soit court, ils pourraient avoir un lien qui dirigerait vers une autre page pour ceux qui voudraient en savoir plus. Mais l'important, c'est que tous pourraient réagir et avoir la même information. Donc, ce serait l'idée de la missive. Et ça pourrait être aussi, ça peut être une réaction comme ça, ou ça peut être simplement un suivi, montrer que où sont rendues les activités. Donc, c'est un compte-rendu. Et une autre importante affaire dans la missive, c'est la confirmation. Donc, c'est un simple clic que les gens vont cliquer pour confirmer, réaffirmer, dans le fond, leur décision. Donc, c'est encore plus puissant qu'une simple pétition, parce que non seulement on a pris une décision, donc on a le nombre de gens qui ont dit oui, mais on a aussi une confirmation continue, régulière au fur et à mesure que les jours, les semaines passent, parce que les gens réaffirment leur adhésion. Ensuite, il y a les statistiques qui sont très importantes aussi. Donc, des statistiques simples qui disent combien il y a de nouveaux membres et combien ont confirmé. Donc, c'est encourageant de voir que ça grossit et qu'il y a beaucoup de participants. Donc, c'est important pour la motivation. Et ensuite, il y a la stratégie. Donc, ça, c'est très important. C'est que la centrale est responsable d'utiliser cet outil-là pour faire prendre la décision. Comme par exemple, si on est beaucoup de citoyens, comme en utilisant le cas des compteurs électromagnétiques à Sherbrooke, qu'est-ce que la centrale aurait pu faire? C'est, étant donné qu'on est beaucoup de citoyens qui regardent, dans le fond, c'est des yeux de plusieurs citoyens, on peut aller regarder plus en détail des choses au niveau municipal ou des personnes en particulier, et utiliser cette force-là pour influencer les décisions qui sont de toute façon des décisions des citoyens. Donc c'est important de comprendre que c'est pas cet outil-là ne serait pas efficace si ce serait, par exemple, il y aurait une grosse dissension parmi la population. Dans le cas des compteurs électromagnétiques, c'était pas du tout le cas. Il n'y avait pas vraiment de citoyens qui étaient pour. Ça n'a pas empêché, néanmoins, les conseillers et le maire d'opter pour les compteurs électromagnétiques alors que les citoyens ne le voulaient pas. Évidemment, ce n'est pas tous les citoyens qui se sont manifestés parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils ne sont pas nécessairement contre, mais ils ne sont pas pour non plus. Donc, mais à ce moment-là, s'ils ne sont pas contre, c'est les plus forts qui gagnent. Normalement, ça aurait dû être les citoyens qui ont dépensé beaucoup d'énergie, se sont déplacés au conseil municipal. Mais évidemment, à cause des élections, c'est ceux qui sont mis au conseil municipal, c'est eux qui prétendent, en fait, qui ont reçu notre autorité. Donc, ils ont pris la décision, malgré la dissension, malgré que la population, les citoyens ne le voulaient pas. Mais avec cet outil-là, nous aurions pu prendre une autre décision. Donc, ça donne un peu l'idée de c'est quoi un outil collectif de décision. Et c'est entendu que cet outil il fonctionnerait mieux s'il y a un certain consensus dans la population, ou du moins pas d'opposition trop définie qui divise les gens. Mais il faut aussi qu'il y ait un peu de citoyens qui ne sont pas d'accord pour que, évidemment, comme on a dit, l'idée c'est d'attirer d'autres gens, d'autres citoyens qui vont venir parce qu'ils veulent, ils voient que ça a une influence. Et peut-être que ça peut faire prendre des décisions avec lesquelles ils sont plus ou moins d'accord, donc ils vont vouloir se participer et ils vont être accueillis. Donc en ce faisant, il va falloir développer des moyens de s'entendre. Donc ça va se passer évidemment peut-être au niveau du préambule. Donc il va falloir en arriver à trouver des moyens pour on soit tous d'accord et créer une question avec laquelle nous sommes tous d'accord et tout le monde va pouvoir rentrer dans l'outil. Donc évidemment, on peut imaginer que si par exemple, même à la grandeur du Québec, s'il y avait 2 millions de Québécois dans l'outil, donc ils ont tous déjà pris une décision, et avec une centrale évidemment composée de gens extrêmement instruits au fait d'un dossier particulier, la puissance que ce 2 millions de pères-dieux peut avoir, ça peut faire peur à ben des fonctionnaires ou des entreprises ou quoi que ce soit. Donc c'est ça, une puissance, un pouvoir extrêmement intéressant à avoir. Et pour réussir à créer ça, il faut impérativement développer une technologie, un moyen de s'entendre. Donc c'est ça l'idée. Ensuite, à l'aide de cette nouvelle capacité collective-là de créer l'unité, qu'on va réussir à créer par cet outil-là, ce nouvel élément-là va pouvoir nous permettre de décider collectivement. On va pouvoir créer d'autres outils de pouvoir et dans les 5 sphères de pouvoir. Donc, 5 sphères, moi j'en ai défini 5, je vais vous les nommer. Les médias, l'argent, la politique, donc les lois, les décisions politiques, l'économie et la religion. Donc, si nous sommes capables de décider collectivement, d'exercer notre autorité collective, on peut créer des outils dans ces 5 sphères-là et reprendre les rênes, dans le fond, de notre création collective et créer la vision, créer les objectifs, atteindre les objectifs que nous avons décidé collectivement. Et donc, je vais revenir plus en détail après avec je peux définir un petit peu plus aujourd'hui au niveau de l'économie. J'ai déjà parlé du projet pour les médias, le Média Unique. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus aujourd'hui. Mais tout simplement, je peux dire que c'est, dans le fond, c'est de créer un outil qui va être un focus collectif. Donc, c'est créer l'éditorial citoyen. Donc, c'est la force, c'est de l'attention d'un grand nombre concentré sur un petit nombre de, préférablement un seul média. Et lorsqu'on contrôle le contenu de ce média-là, et donc ça crée un focus, un laser. Donc l'attention, l'énergie de la population est concentrée sur un petit nombre d'informations qu'on contrôle. Donc ça nous donne un outil collectif extrêmement intéressant. Ça, c'est pour les médias. Ensuite, pour l'argent, évidemment, c'est une réforme du système financier. On avait parlé du crédit social, mais plus spécifiquement, on pourrait penser à une banque citoyenne. Donc, il s'agit de contrôler, évidemment, que ce soit un contrôle public de la création monétaire, donc une création monétaire sans intérêt, et de la distribution d'un dividende. Donc, c'est les deux les éléments les plus faciles à comprendre. Donc, le but, c'est évidemment, c'est d'arrêter d'utiliser l'argent qui est créé par les entreprises privées, par les banques, et de créer notre propre argent. Et pour y arriver, pour commencer, il faut que les gens comprennent que c'est nous qui créons l'argent, que c'est un système conventionnel, c'est une création, donc ça peut être modifié, et qu'il y a un vice depuis longtemps, et que ce vice-là, c'est que l'argent est créé à intérêt, et que cet intérêt-là n'est pas fait que c'est impossible de rembourser ce qui a été créé, puisque c'est seulement les banques qui créent l'argent donc à intérêt, c'est seulement par des prêts. Donc ça crée des dettes impayables mathématiquement, et cela crée l'esclavage que nous avons en ce moment. Et donc il faut, et c'est nous qui avons permis, qui avons laissé faire ça. C'est toujours à nous la responsabilité, c'est à nous à comprendre ça. Et donc, pour ce faire, une des voies, c'est de créer notre propre argent et commencer par la création, la monnaie locale. Et c'est l'autre projet que je veux faire en premier. J'ai un projet de monnaie locale particulier que je vais vous expliquer éventuellement dans les prochaines émissions. Donc ça, c'est pour l'argent, une banque citoyenne éventuellement. On peut appeler ça comme ça. Ensuite, les cercles, la politique, j'appelle ça les cercles collectifs. Donc c'est une plateforme citoyenne. Pour l'instant, il y a des plateformes à peu près pour toutes. Tous les groupes d'intérêt ont des plateformes. Par contre, il n'y a aucune plateforme pour les citoyens. Donc on l'applique dans tout. Sauf pour ce qui est de la démocratie, ce qui fait que les gens se rabattent sur des outils qui appartiennent toujours à des intérêts privés, Facebook, etc., YouTube. Et comme on voit en ce moment, ils font la loi, la pluie et le beau temps sur ces plateformes-là, ils contrôlent tout. Et donc, mais ça, c'est notre faute, c'est nous qui n'avons pas créé de plateforme citoyenne. Et la plateforme citoyenne, c'est là que les gens vont se rencontrer et ça va devenir éventuellement le centre du pouvoir mondial. Ça va être au niveau des citoyens locaux. Et ça pour faire une image, si vous avez un jeu d'enfant, vous faites un petit village, il y a le poste de pompier, la boulangerie, la bibliothèque, etc. Là, il peut y avoir l'hôtel de ville. Mais à l'avenir, il va y avoir une nouvelle institution qui n'était pas là avant, qui n'est pas là en ce moment. Il va y avoir encore les parlements, mais c'est pas là que va être le pouvoir, ni la police, ni l'armée. Et ça va être peu importe comment on va appeler ça, moi j'appelle ça des cercles collectifs, donc ou une plateforme citoyenne. Donc ça va être le centre citoyen, et c'est là que va être le pouvoir avec un grand P. C'est là que va se prendre les grandes décisions. Et donc, et pour ça, c'est pas nécessaire que les citoyens deviennent des érudits dans tout. Comme j'avais expliqué par le principe du plombier, les experts, le plombier, c'est l'expert, donc c'est lui qui vient, c'est lui qui sait comment faire, mais le boss, c'est moi. Donc c'est la même chose, les citoyens, ce sont eux le boss. Donc pas nécessaire de savoir d'être des experts, ce ne sont pas, faut pas confondre expertise et autorité. Je suis l'autorité et les experts obéissent à l'autorité. Ce ne sont pas eux qui décident. Il y en a beaucoup qui ont de la difficulté avec ça, surtout dans les universités, qui viennent nous dire qu'est-ce qui est bon ou pas bon. C'est pas à eux à faire ça, c'est à nous. Donc c'est à nous à reprendre ce pouvoir-là et à exercer premièrement notre autorité individuelle et à nous organiser pour être capable d'exercer notre autorité collective, citoyenne. et ça va se faire dans les cercles collectifs. Donc, il faut développer évidemment une science du débat qui rejoint un peu, dans le fond, le travail sur l'unité. Ça se rejoint. Et évidemment, développer la vision, qu'est-ce qu'on veut, les objectifs. Et bien entendu, ne pas considérer simplement la réalité municipale, comme on fait au niveau des villes, on parle des trous et des projets municipaux. Non, il faut considérer que nous sommes responsables de toute la planète. Donc, il faut développer un modèle qui va être répliqué, utilisé partout. Et on n'est pas seulement responsable de 100 pieds ou 100 km autour de nous, on est responsable de tout ce à quoi on a accès. Et on a accès pour l'instant à toute la planète parce qu'on est tous reliés au niveau communication et tout. Donc, nous sommes responsables de tous, de tout. Et il faut considérer ça dans notre politique. Pas seulement s'occuper des taxes et des questions qui concernent simplement la municipalité, là. Donc, c'est pas uniquement ça la visée. Donc, ça prend une vision, comme on fait ici, une vision de pour toute l'humanité. Donc, un objectif commun d'humanité, de civilisation. Et va s'agir évidemment de le créer, ce monde-là, cette nouvelle civilisation-là, et évidemment de la maintenir et de continuer. Il va falloir que ça soit géré et continuellement pour le futur. Donc, ce n'est pas une finalité et on va s'asseoir sur notre siège, évidemment. Donc, c'est comme n'importe quoi. Ensuite, ça, c'est la politique et l'économie. Et donc, c'est le concept que j'appelle consommation créatrice. Donc, ça rejoint le acheter pour voter, sauf que dans ce cas-ci, c'est plus acheter pour créer. Donc, la perspective qu'on a choisie, c'est la création. Donc, évidemment, c'est ce concept-là que je vais développer après une courte pause musicale. Et le dernier, c'est la religion. Donc, et la religion, ce n'est pas la solution, ce n'est pas d'enlever la religion. Il y en a qui pensent que ce serait mieux sans religion. Premièrement, je crois que c'est pas possible. La grande majorité de l'humanité est religieux pratiquant, au moins 80%. Il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. Et en fait, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de religion. C'est certainement pas ce qu'on appelle la laïcité qui va régler la cause, parce que la laïcité, ça se trouve être une neutralité. Et la neutralité, ça n'existe pas. Et donc, la solution, c'est l'unité des religions. Donc, on ne peut pas ne pas être religieux. La religion, c'est pas, la spiritualité. La spiritualité, ça concerne l'individu. La religion, ça concerne la collectivité. Et on ne peut pas se départir de notre responsabilité de la collectivité. Donc, forcément, il y a des actions. La spiritualité, ce n'est pas ce qu'on pense, ce que les autres pensent de nous. C'est ce qu'on fait, ce qui on est. Et la religion, c'est qui on est collectivement. Donc, pour régler ces différends-là, ça va prendre... d'après ce que j'ai... pour l'instant, ce que j'ai vu de mieux comme solution, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est l'homisme. Donc, lui, il préconisait l'unité des religions, parce que ce soit l'unité des religions ou une seule religion... je ne crois pas non plus que ça va fonctionner. Ou pas de religion pantoute non plus, je ne crois pas que ça va fonctionner. Donc, l'important, c'est de respecter les croyances de chacun. Et c'est dans l'unité de laisser la place à chaque religion que la solution se trouve probablement. Donc, ça, c'est plus compliqué. On ne va pas considérer ça aujourd'hui. Mais après la pause, on va commencer avec la consommation créatrice. Donc, comment utiliser notre consommation pour comme outil de pouvoir collectif. Donc, tout de suite après cette courte chanson. Thank you. de retour à comment créer le paradis sur Terre. Donc, on envisage de créer un outil donc au niveau économique, un outil collectif qui va nous permettre, avec la capacité de décider collectivement, donc d'exercer un nouveau pouvoir et pouvoir favoriser ou participer à la création de la nouvelle civilisation. Donc, j'appelle ça la consommation créatrice. Donc, c'est une version, si on veut, plus élargie d'un concept qu'on connaît bien, le concept de, donc, il y a plusieurs noms, consommation responsable ou éthique. Donc, c'est comme on dit, acheter, c'est voter, mais plus large. Donc, acheter, c'est créer. C'est le même principe, sauf qu'on prend la perspective que nous sommes, qu'on crée. Donc, c'est la perspective qu'on utilise dans ce projet-là. C'est une façon de voir les choses. Parce qu'on peut dire que lorsqu'on favorise une pratique, donc on la crée ou on la perpétue. Et inversement, si on arrête de la favoriser, ben on crée autre chose ou on arrête de créer quelque chose. Donc on a un impact. Et donc cet outil-là, il y a quatre concepts qui le constituent. Le premier, c'est que l'argent, c'est le sang de l'économie. Donc pour que quelque chose puisse fonctionner dans notre économie, ça prend de l'argent. Donc s'il n'y a plus d'argent, ben ça ne fonctionnera pas. Et d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, il y a le pouvoir d'achat. Donc ça, c'est lorsque j'ai de l'argent, j'ai un pouvoir dans le sens que je décide, je peux décider où il va. Jusqu'à un certain point, ce pouvoir-là a été beaucoup amenuisé parce que une fois que tu as payé tout ce que tu es obligé de payer, il en reste peut-être pas autant qu'il en a déjà resté, mais on a quand même encore un certain pouvoir à ce niveau-là. Pardon. Ensuite, il y a le pouvoir du groupe. Donc, évidemment, j'ai un pouvoir d'achat, mais si nous sommes plusieurs à faire les mêmes choix, donc ça a encore plus d'impact. Donc, c'est la force du groupe. C'est évidemment ce qu'on va aller chercher avec l'unité en étant plusieurs. Et l'autre concept, c'est que tout est relié. Celui-ci est extrêmement important aussi parce qu'on n'a pas nécessairement d'impact direct au niveau, en tant que consommateur, sur certaines entreprises ou certaines pratiques. Mais comme tout est relié, on peut, en connaissant les liens et en les étudiant, on peut affecter certains aspects de l'économie en étant évidemment plusieurs, qu'on ne pourrait pas faire tout seul et directement. Donc, tout est relié, donc on peut avoir beaucoup plus d'impact que simplement directement en tant que consommateur. Donc, il faut penser à ça aussi. Donc, l'argent, c'est, comme j'ai dit, le sang de l'économie. Donc, si on veut voir des secteurs, des entreprises, des pratiques vivre, prospérer, prendre l'expansion, ou disparaître, ou apparaître, bien, l'irrigation de sang vers ces activités-là, c'est un facteur déterminant. Et l'idée, c'est que la source, l'origine de l'argent, ce n'est pas dans les banques, même si pour l'instant, c'est elles qui le créent. C'est nous qui sommes l'origine. C'est logique, puisque nous sommes l'autorité. Les individus sont l'autorité. Et un des pouvoirs individuels qui nous reste, c'est le pouvoir d'achat. Et même si c'est amenuisé, il en reste encore, on a encore de la marge de manœuvre. Donc, en choisissant où une partie de cet argent va, on peut avoir un impact déterminant. De plus, si nos efforts, nos choix de consommation sont coordonnés avec ceux de plusieurs autres, c'est là que la magie opère et c'est ça qu'il faut viser avec ce projet. Et nous pourrons le faire en utilisant notre pouvoir d'unité. Donc, l'autre élément qui rend cette pratique puissante et qui en fait un outil de création collective est que tout dans l'économie est relié. Donc, même si nous n'avons pas d'impact direct en tant que consommateurs, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas choisir d'arrêter d'irriguer le sang de notre argent vers une entreprise ou une activité, nous pouvons trouver les liens entre ces acteurs et puisque tout est relié, on peut réussir à intervenir. Et pour ouvrir une parenthèse, il y a déjà, je sais qu'il y a un groupe en France qui ça s'appelle, je crois, iBoycott, je ne sais pas si ça existe encore, qui est extrêmement intéressant, et c'est un peu ce qu'ils faisaient. Donc, ils utilisent évidemment le boycott est une des formes, si on veut, de cet exercice-là, donc qui consiste à arrêter d'acheter, d'irriguer de sang, de l'argent, notre argent, vers une entreprise ou un produit. Donc, eux, par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils discutent avec les entreprises qui ils ont des pratiques qu'ils considèrent non éthiques. Et ils utilisent la possibilité qu'un grand nombre de consommateurs restreignent leur achat de leurs produits ou de leurs services si, par contre, ils ne corrigent pas la situation. Donc, ils entrent en contact avec l'entreprise et ils leur disent « ben, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites et nous allons arrêter de consommer vos produits jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que vous arrêtiez ou changiez vos pratiques. » Donc, c'est un outil extrêmement intéressant et je crois donc ça rejoint un peu la même idée. Et donc, c'est ça, ben c'est un aspect de la possibilité, c'est de restreindre, de boycotter. Évidemment, le boycott complet, c'est un cas extrême, mais eux, ils utilisent ce pouvoir-là pour faire changer les choses. Donc, c'est vraiment intéressant que de simplement boycotter. De toute façon, les boycotts, ça, on n'en parle plus beaucoup parce que ça ne fonctionne pas, justement parce qu'on ne réussit pas à aller chercher un grand nombre de gens. Donc, en faisant ça comme ça, leur approche est extrêmement intéressante. Donc, mais l'idée, c'est que nous pouvons créer un outil qui va nous permettre d'influencer et donc de faire changer et donc de créer. Donc, c'est ça qu'on veut. Et on peut par contre l'utiliser pour faire apparaître, par exemple, des marchés. Prenons, on peut prendre l'exemple du textile au Québec. Si on veut qu'il y ait une production de linge ici, c'est sûr qu'il y en a, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et bon, pourquoi ça coûte plus cher? Il y a sûrement plusieurs raisons, mais peut-être parce que justement le marché est trop petit. Et ceux qui seraient prêts à payer plus cher sont dispersés sur le territoire. Et donc, plusieurs accepteraient de payer un petit peu plus s'ils savaient que l'impact de leur achat et si cela était ancré dans une vision de société. Et si leur lien avec les producteurs était plus qu'un lien consommateur-vendeur, mais un lien citoyen-citoyen, etc. Donc, c'est toutes des choses qui pourraient permettre l'expansion d'un marché du textile au Québec, du linge, avoir du linge fait ici, des produits ici, et par des entreprises d'ici. Donc, par exemple, si on décide qu'on veut... Un autre exemple qui pourrait arriver, c'est quand on décide que, par exemple, sur la plateforme citoyenne, les gens au Québec décident qu'on veut avoir plus de petites fermes bio au Québec. Et on décide... ça, c'est un de nos objectifs. Et qu'il est alors déterminé que, disons, entre autres, la ferme, par exemple, Les Baluchons, n'est pas encore certifiée, mais qu'elle a besoin d'aide, et que pour cela, il faudrait qu'elle vende ses choux-fleurs à un tel prix cet été. Donc, sur la plateforme, les points de vente sont identifiés, et les statistiques pour suivre les progrès sont affichées. Et on peut prendre, par exemple, Mme Tremblay, qui n'a pas trop les moyens de se payer du bio pour tout. Et donc, mais elle peut, par contre, payer quelques dollars de plus par semaine pour cette cause. Donc, même si le chou-fleur coûte 3-4 dollars de plus, elle est motivée parce qu'elle voit l'impact et aussi elle voit qu'elle n'est pas toute seule parce qu'il y a les statistiques. Donc, c'est plus fort que d'encourager, par exemple, l'achat local, l'achat bio, l'achat éthique. OK, on la jette, mais on ne voit pas nécessairement l'impact et on est tout seul, dans le fond, dans notre coin. Donc, on peut aller chercher comme ça des mini-efforts, mais en grand nombre, et ciblés vers des entreprises puis des activités en ligne avec nos objectifs citoyens qui ont été décidés sur la plateforme. Donc, la ferme pourrait réussir à prospérer. On va manger des bons légumes, puis Mme Tremblay, elle ne sera pas plus pauvre et elle va avoir participé dans un effort coordonné, concerté. Et ça serait possible justement avec cet outil-là de consommation créatrice. Ça s'insérerait, disons, dans ça. Et ce serait possible, évidemment, avec la plateforme citoyenne et les objectifs décidés par les citoyens. Donc, ça donne une idée un peu plus précise du plan. Et j'espère que ça vous intéresse. Comme toujours, si vous avez des commentaires, des critiques, des propositions, etc., vous pouvez le faire sur ma page Facebook, Patrick Tétrault, ou vous pouvez la rejoindre donc sur Facebook, assez facile à trouver, j'imagine. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Pour cette semaine, ça va être pas mal, ça fait le tour. Et oui, c'est ça, les deux projets que je veux mettre en branle, l'outil collectif de décision et la monnaie locale que j'appelle le système Unité. Je vais certainement vous en parler dans les prochaines émissions. Si ce n'est pas la prochaine, ce sera au courant de l'été. Donc, j'ai l'intention certainement pour la monaie locale de la mettre en branle au début de l'automne. Et donc, je vais travailler là-dessus. Et si la chose vous intéresse, n'hésitez pas à me faire part de vos intérêts ou de vos suggestions, etc. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Et donc, c'est un rendez-vous à midi dimanche prochain pour comment créer le paradis sur Terre sur la radio Impact. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine.